Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous commençons l'émission avec Cyril Barrette qui est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval et il nous parle aujourd'hui de néoténie, un phénomène qui nous concerne, nous humains. Bonjour Cyril. Alors peut-être on va tout de suite démystifier ce terme néoténie qui peut paraître un peu savant, un peu trop savant. En fait, c'est quoi la néoténie? Est-ce qu'on peut le dire de façon simple? Le terme paraît peut-être un peu trop savant parce qu'on l'entend très rarement. Ça décrit tout simplement le fait que chez certaines espèces, alors qu'on s'attendrait à ce que quand l'individu passe de l'état juvénile à l'état adulte, que tous les attributs de l'individu deviennent des caractères ou des attributs adultes. Mm-hmm. Et il y a certaines espèces chez lesquelles certains caractères de juvénile persistent pendant toute la vie mm-hmm. de l'animal. Donc on dit que l'espèce est néoténique ou que ce sont des caractères néoténiques. Alors concrètement, ça donne quoi? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Bien, l'exemple classique, c'est une salamandre du Mexique et d'Amérique centrale qu'on appelle l'axolote. L'axolote, oui, ça sonne bien comme les anciens Aztèques, la langue des Aztèques. Oui, voilà. Alors, cette salamandre, comme toutes les salamandres, passe par un stade larvaire au début de sa vie où elle possède des caractères de larve et, entre autres, des branchies plumeuses externes de chaque côté de la tête. Et chez la plupart des salamandres, au moment de la métamorphose, quand l'animal n'est plus aquatique mais devient terrestre, il se transforme et, entre autres, ses branchies disparaissent. Mm-hmm. Et l'animal commence à respirer dans l'air avec des poumons. Alors, cette salamandre, l'axolote, au contraire, conserve ses branchies pendant toute sa vie. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on s'attend à ce que des branchies disparaissent quand l'animal devient adulte. Bien, on dit, voilà, c'est un caractère de juvénile conservé pendant mm-hmm. toute la vie. Évidemment, pour le constater, comme dans ce cas-là, il faut toujours comparer avec d'autres espèces. Sinon, un individu adulte, donc mm-hmm. par définition, qui est en mesure de se reproduire, on dirait que tous ses caractères sont des caractères d'adulte puisqu'il est adulte. Mais par comparaison à d'autres espèces, on est surpris de voir la persistance de certains caractères qu'on nomme néoténiques. D'accord. Donc, ça veut dire que dans des espèces qui sont cousines un petit peu de cet axolote, normalement, les individus adultes n'ont plus ces branchies. N'ont plus ces branchies. C'est ça. Voilà. Et donc là, chez l'axolote, elle est parvenue à son stade de vie terrestre. Voilà. Elle se reproduit. Elle a toujours ses branchies qu'elle avait quand elle était voilà, juvénile. Voilà. Donc, elle est à tout point de vue adulte, sauf pour ce caractère ou un certain nombre d'autres caractères qu'elle traîne avec elle pendant toute sa vie. Mm-hmm. Et alors, comment ça peut se faire, ça, sur le point du développement de l'animal, comment ça peut se faire? Est-ce que c'est parce que ses branchies ont oublié de se développer avec le reste du corps? On peut le dire de cette façon-là. C'est les gènes qui contrôlent pour la disparition des branchies ou la métamorphose sont éteints par d'autres gènes de contrôle. Donc, il y a des gènes architectes qui allument ou qui éteignent, qui activent ou désactivent des gènes de structure. Et normalement, dans le cas de cet animal, il y a des gènes qui devraient donner comme instruction à l'ensemble du corps de l'animal d'éliminer ses branchies. Et ces gènes sont tout simplement éteints. Ils sont désactivés. Ah. Un des exemples extrêmes de ça, qui est tout à fait courant, c'est la chenille qui devient un papillon. Ces deux animaux, ces deux individus, ont le même génome. Mm-hmm. Mais pendant sa période de vie de chenille, il y a seulement les gènes pour constituer un corps de chenille qui sont allumés. Et au moment de la métamorphose, ces gènes-là s'éteignent et les gènes pour constituer un papillon s'allument. Donc, ils sont activés ou désactivés par des gènes de contrôle. Okay. C'est exactement le même phénomène dans le fait qu'un individu conserve toute sa vie des caractères de gènes. Donc, les gènes qui contrôlent le développement des branchies, ils continuent à marcher ou... Voilà, ils demeurent activés. Donc, quelqu'un a oublié de les éteindre, si on veut. D'accord. Est-ce qu'il y avait un avantage évolutif pour cette sorte de salamandre à garder ses branchies à l'état adulte? Dans ce cas, l'avantage, c'est qu'on se retrouve avec un animal qui a deux modes de respiration. Au lieu d'avoir simplement les poumons pour respirer dans l'air, il peut respirer aussi avec les branchies. Donc, s'il vit dans un milieu même terrestre, mais très humide, Ou même si les branchies sont constamment humidifiées à l'extérieur dans l'air parce que le milieu est très humide sur le bord des ruisseaux ou dans une forêt tropicale humide où l'air est saturé d'humidité, l'animal peut quand même absorber un petit peu d'oxygène par ses branchies externes, donc il est avantagé de les conserver. Mm-hmm. On imagine que c'est l'avantage pour les conserver parce que de toute évidence, il y a toujours une question de coût-bénéfice. Mm-hmm. Ça implique certains risques ou certains coûts, des risques de blessures, des risques d'hémorragie, si on a ces branchies qui sont très, très fragiles, qui sont à l'extérieur du corps. C'est pas vraiment fait pour être à l'extérieur du corps, pas conçu. Milieu aérien comme ça. Voilà, voilà. Dans l'eau, ça va, mais à l'extérieur. Ouais. Donc, comme toujours, en termes de sélection naturelle, on imagine que s'il y a des coûts, il doit y avoir un bénéfice qui compense. Donc, c'est pas parce qu'il fallait qu'elle se dépêche de se reproduire, donc il y a comme eu un système pour qu'elle se reproduise en étant encore partiellement juvénile. C'est pas ça? Non, c'est pas tout à fait ça, parce que le phénomène que tu évoques maintenant, c'est un peu l'inverse de la néoténie. Un terme qu'on entend encore moins souvent, qu'on appelle la pédomorphie, parce que c'est le même. Les deux phénomènes appartiennent au même phénomène général qu'on appelle l'hétérochronie, c'est-à-dire le fait que différentes parties du corps maturent ou se développent à différents rythmes. Et donc, dans le cas de l'hétérochronie, de la pédomorphie, on a un animal qui est jeune, qui acquiert des caractères d'adulte. Alors, par exemple, un animal qui est jeune, qui développe des gonades, donc, qui lui permettent de se reproduire. Alors que dans le cas de la néoténie, l'animal est vieux, si on veut. Il est adulte avec des caractères de jeune. Bon, c'est les deux faces d'une même médaille, si on veut. Mais si on fait une comparaison avec l'humain, la néoténie, par exemple, chez l'humain, quelqu'un comme Dominique Michel ou Jeannette Bertrand, ce sont des individus néoténiques qui sont plus âgés qu'ils en ont, qui sont moins âgés qu'ils en ont l'air. Donc, tous les phénomènes de chirurgie esthétique, se teindre les cheveux, c'est une façon de faire, de paraître jeune alors qu'on est plus vieux, alors que la pédomorphie, c'est l'inverse. C'est par exemple une petite fille qui se déguise en femme adulte ou un jeune de 15 ans qui se présente avec une fausse carte de 18 ans. Ah, ce sont des caractères pédomorphiques. C'est un jeune avec des caractères d'adulte. D'accord. Mais vous voyez, c'est deux faces d'une même médaille. On va revenir sur l'homme, sur l'espace humain un peu plus tard. J'aimerais savoir encore, en restant dans le domaine animal, on parle de l'axolote qui est apparemment l'espèce modèle, mais est-ce qu'il y a d'autres cas? C'est un cas unique ou est-ce qu'il y a d'autres espèces? Non, il y a d'autres espèces, particulièrement parmi les salamandres. Par exemple, ici au Québec, il y a une grosse salamandre qu'on appelle le Nectarus, qu'on trouve dans les rivières du sud du Québec, qui fait exactement ça, qui conserve ses branchies externes pendant toute sa vie. En plus, une grande partie de son squelette demeure cartilagineux, comme quand il était jeune, et d'autres caractères du genre, chez tous les vertébrés, pendant le développement, au début du développement, l'estomac de l'animal forme un tube qui est droit, et quand on devient adulte, le tube se courbe en J, mais chez le Nectarus, l'estomac reste droit. Donc, ça existe. Il y a d'autres espèces, particulièrement des espèces qui subissent une métamorphose pendant leur vie. Mais par exemple, parce que là, on est toujours chez les amphibiens, mais chez des... chez des mammifères, chez les oiseaux, est-ce qu'on observe ce genre de phénomène? Non, pas aussi marqué que dans ce cas-là, mais on verra chez d'autres espèces, là, particulièrement le chien domestique. Si on aborde une espèce comme le chien domestique, tous les auteurs s'entendent maintenant pour dire que le chien domestique est une forme néoténique du loup. C'est-à-dire qu'en sélectionnant des loups, on a sélectionné des individus dociles, des individus qui étaient plus petits, des individus qui croissaient plus rapidement. Et par inadvertance, on a donc produit un animal néoténique. Et en quoi est-ce que la morphologie du loup nous fait du chien domestique nous fait penser à des jeunes loups? Bon, il y a des caractères anatomiques. Par exemple, si on prend deux chiens qui ont la même taille, un grand chien, c'est-à-dire, et un loup, qui ont tous les deux le même poids, bien, on constate que chez le chien, par rapport au loup, qui encore une fois qui a le même poids corporel global, le cerveau est plus petit, les dents sont plus petites. Donc, il y a des caractères anatomiques de jeunes que le chien conserve. Donc, un chien que nous, on appelle adulte et qu'on a raison d'appeler adulte puisqu'il peut se reproduire, c'est un juvénile. Ça demeure un juvénile. Et particulièrement au niveau du comportement. Donc, un chien domestique adulte se comporte toute sa vie comme un louveteau. Il fait des comportements qu'on trouve chez les louveteaux, mais pas chez les loups adultes. Par exemple, une posture d'invitation au jeu, là, où il se fait comme s'il se plaçait sur les deux coudes. C'est vrai. Le cilement. C'est quelque chose que les jeunes loups font, ça? Mais pas les adultes. Ouais, donc c'est les jeunes loups qui font ça vis-à-vis des adultes de la meute? Entre eux ou avec les adultes, ou le fait pour un louveteau de lécher le coin de la bouche d'un adulte pour l'inciter à régurgiter de la nourriture. Les chiens continuent à faire ça entre eux pendant toute leur vie. L'intérêt pour le jeu, etc. Le fait de sciller, d'aboyer, de branler la queue. Tout ça, ce sont des comportements qu'on trouve chez les louveteaux, mais pas chez les loups adultes. Les loups n'aboient pas, ça, ils hurlent, mais ils hurlent, mais ils font pas un aboiement comme le chien domestique. Et le jeune loup, il aboie? Et le jeune loup aboie. Ah, je savais pas quelque ça, chose qui ouais. ressemble comme un aboiement. Mm-hmm. Donc, autrement dit, le chien domestique qu'on a devant nous, même s'il a 12 ans ou 13 ans et qu'il a tous les caractères d'adulte, ben, ça demeure un animal juvénile. Mm-hmm. Donc, il demeure docile, subordonné à l'humain. Mm-hmm. Etc. Donc, il demeure comme un chiot. C'est pratique si on veut. Pour nous, ça. C'est pratique pour nous. Donc, par inadvertance, quand on a ouais. sélectionné parmi les loups, on a produit un animal qui demeure mm-hmm. jeune ou juvénile toute sa vie. Mm-hmm. Donc, il se comporte envers son maître, envers nous, comme les louveteaux envers comme, les adultes. Comme les louveteaux. D'accord. Donc, il demeure subordonné envers mm-hmm. nous, il demeure docile, obéissant, mm-hmm. etc. C'est curieux que donc, cette néoténique s'applique donc, autant au caractère morphologique qu'au comportement. Oui, absolument. Mm-hmm. Bon, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le comportement, ça fait partie de ce qu'on appelle le phénotype de l'animal. C'est, ouais. c'est encodé dans les gènes, comme l'anatomie ou la physiologie. Mm-hmm. Et alors, si le chien donc, est néoténique, est-ce que en fait, il est devenu néoténique pendant sa domestication? Est-ce que c'est la domestication qui a entraîné le fait qu'il soit néoténique ou est-ce que c'est les humains, quand ils ont domestiqué les loups, entre guillemets, choisi les loups qui conservaient des caractères juvéniles? Non. Ben, en fait, c'est peut-être un peu un mélange des deux, mais essentiellement, c'est la domestication. Okay. La domestication qui n'a pas choisi des individus, des loups ou des louveteaux néoténiques, des loups néoténiques, mm-hmm. mais qui a choisi des animaux dociles, des animaux subordonnés, des animaux moins mm-hmm. agressifs, etc., moins dangereux pour l'humain. Et par inadvertance, ben, finalement, on a produit, sans le vouloir, mm-hmm. des juvéniles toute leur vie. Mm-hmm. Des animaux qui deviennent vieux sans être adultes, ouais. si on veut. Mais donc, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils étaient en contexte de domestication qu'ils n'ont pas eu besoin de développer leur comportement d'adulte? C'est une idée intéressante. C'est peut-être mm-hmm. ça. Le fait que l'humain s'en occupait, ça les mettait un peu à l'abri de la sélection. Ils n'ont pas besoin de chasser, ils n'ont pas besoin. Leur pitance est apportée dans le bol tous les matins. Oui, mais au début de la domestication, ces chiens-là continuaient de chasser et étaient très semblables aux loups. C'est vrai. Donc, c'est sûr que si on prend des chiens comme chez nous qui vivent en appartement, là, c'est sûr qu'on s'occupe de tous leurs besoins comme s'ils étaient un nouveau-né presque. Mm-hmm. Et est-ce qu'on se trouve, donc, chez les animaux domestiques, on voit ça chez le chien? Est-ce qu'on voit ça chez le chat? Parce que le chat aussi, il continue de jouer. Non, chez le chat, c'est très différent. Soit on n'a pas essayé, soit on n'a pas réussi. Ah. Parce que les chats domestiques adultes se comportent comme n'importe quel félin sauvage adulte. Mais il aime jouer quand même. Est-ce que les félins il aime jouer comme un félin adulte. Les félins adultes, les léopards, les tigres, les femelles les jouent avec leurs jeunes. Mm-hmm. Et puis, il y a des jeux entre les adultes aussi. Donc, avec le chat, on n'a vraiment pas fait un animal néoténique, on a fait une forme adulte d'un mm-hmm. animal sauvage. C'est tout mm-hmm. à fait. Il se comporte comme un animal sauvage. D'accord. Puis on voit très bien dans les relations qu'il a avec nous. Mm-hmm. D'accord. Mais maintenant, Cyril, si on en venait donc à une espèce qui nous intéresse de près, l'homme. Donc là, vous disiez que l'homme était néoténique. En quoi sommes-nous néoténiques? Quels sont les caractères juvéniles que nous conservons à l'état adulte? Voilà, on arrive à la raison pour laquelle c'est intéressant de parler de la néoténie, c'est que ça nous concerne. L'humain est un cas presque extrême de néoténie. C'est que si on regarde en termes d'anatomie, d'abord, encore une fois, il faut comparer avec d'autres espèces. Mm-hmm. Si on se compare au chimpanzé, je ne suis pas en train de dire que le chimpanzé est l'ancêtre de l'humain, mais c'est un point de comparaison utile. On ne peut pas comparer directement avec... On ne les a pas sous les yeux. C'est ça. Pour comparer avec les Australopithèques et les Homo habilis et compagnie, il faudrait avoir des fossiles, des jeunes, mm-hmm. des nouveaux-nés. Ouais. Puis on n'en a pas de ces espèces. Donc, on n'en a pas. Donc, on compare avec l'espèce la plus proche de nous, génétiquement et évolutivement, le chimpanzé. Si on regarde au point de vue anatomique, simplement au niveau du crâne, entre autres, un bébé chimpanzé ressemble beaucoup plus à un humain adulte qu'à un chimpanzé adulte. Mm-hmm. Autrement dit, c'est le chimpanzé, pendant le développement du début de la vie jusqu'à l'âge adulte, la tête se transforme considérablement. Mm-hmm. Pour devenir, en quoi? Par exemple, la taille du cerveau est très... Le crâne est très globuleux. Puis il renferme mm-hmm. un très gros cerveau. Donc, chez le jeune chimpanzé, la taille du cerveau par rapport au reste du corps est très semblable à ce qu'on trouve chez l'humain adulte. Mm-hmm. Le front est vertical. Il n'y a pas d'arcade sourcilière. Mm-hmm. Le museau, si on veut l'appeler comme ça, est très, très, très court. Les canines sont très petites. Ouais. Et un des caractères extrêmement importants, c'est ce qu'on appelle le foramen magnum, c'est-à-dire le grand trou en dessous du crâne par mm-hmm. où passe la moelle épinière qui mm-hmm. va dans la colonne vertébrale. Chez le jeune chimpanzé, c'est ventral, ce foramen est ventral, alors que chez l'adulte, le foramen magnum a tendance à glisser vers l'arrière. Alors que si on regarde chez l'humain adulte, le foramen magnum est ventral, comme chez le jeune. Ventral, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en dessous, complètement en dessous du crâne. Complètement en dessous, alors que chez les singes adultes, il passe à l'arrière? Il a tendance à glisser vers l'arrière. D'accord. Ce qui fait que la position de la tête est très différente. Chez le jeune chimpanzé, la tête, quand il s'assoit, elle est au-dessus, elle est dressée et il regarde devant. Mm-hmm. Alors que chez un adulte, la tête est tournée et il regarde vers le haut plutôt que de regarder complètement vers l'avant. Ah oui? Parce que le foramen magnum a glissé vers l'arrière. Mm-hmm. Donc, ce caractère est probablement lié à l'évolution de la bipédie chez l'humain. Mm-hmm. Et si on est bipède, bien, on veut avoir la tête qui est bien plantée sur le dessus de la colonne vertébrale et qui regarde en avant et non pas vers le haut. Et si on marche à quatre pattes, bien, on redresse la tête. On dresse la tête. Ou si on pense à l'extrême chez un loup, par exemple, encore une fois, bien, chez le loup, le foramen magnum est complètement à l'arrière du crâne. Et donc, là, l'animal, quand il est à quatre pattes, regarde vers l'avant. Mm-hmm. Bon. Puis, donc, dans la forme du visage, là, effectivement, on voit les visages de jeunes chimpanzés. Ils ont les visages plats, ils n'ont pas encore le museau à l'avant. Ils n'ont pas de museau et les canines sont très petites et le front est vertical. La ressemblance est frappante entre un jeune chimpanzé et un humain adulte. C'est vrai, je me remémore des images, là, puis c'est vrai que je me suis déjà fait cette réflexion que ça ressemble. Ça ressemble beaucoup à un humain adulte. Et encore une fois, le bébé chimpanzé ressemble beaucoup plus à un humain adulte qu'un chimpanzé adulte. Mm-hmm. Alors, c'est comme si dans le développement évolutif de l'humain à partir d'une espèce qui ressemble au chimpanzé, c'était pas lui, mais comme modèle, bien, la sélection naturelle a fait en sorte que les individus ou l'espèce a conservé des caractères de juvénile pendant toute leur vie, alors que chez le chimpanzé, ces caractères de juvénile se transforment pour devenir la forme adulte. Mais là encore, on peut se demander à quoi ça a servi de conserver ces caractères juvéniles. Est-ce que c'est ça qui a conduit vers la bipédie? Comme toujours en évolution, tous les caractères sont liés ensemble. Donc, c'est très difficile de savoir quelle est la cause, quel est l'effet. Mm-hmm. Alors, par exemple, en termes de la forme globuleuse du crâne et la grosseur relative du cerveau par rapport au reste du corps, est-ce qu'on a développé un gros crâne? Un crâne qui reste globuleux pour avoir une grosse boîte crânienne pour avoir un gros cerveau, ou est-ce que c'est l'inverse, on a développé un gros cerveau et là, le crâne a suivi. On pense que c'est probablement la deuxième hypothèse qui est la plus plausible. La sélection, avoir un grand cerveau, c'est beaucoup plus important qu'avoir un gros crâne globuleux. Mm-hmm. Donc, probablement que la sélection a favorisé le gros cerveau et le crâne a suivi. Mm-hmm. Donc, on a conservé encore chez nous, chez l'adulte, un crâne qui est relativement volumineux par rapport au reste du corps. Donc, quels sont les avantages de tous ces caractères? On ne le sait pas exactement. Mais ce qui est intéressant et important dans le cas de l'humain, c'est que c'est des caractères comportementaux qui sont les plus intéressants, qui sont demeurés des caractères de juvénile. Ouais. Alors, par exemple, et ça, c'est lié probablement à la taille relative du cerveau, l'intérêt pour le jeu, la curiosité à apprendre. Par exemple, un comportement, le sexe déconnecté de la reproduction. On trouve ça chez les juvéniles, chez les autres espèces, mais pas chez les adultes. Donc, si on pense que chez l'humain, un des caractères les plus importants dans notre évolution et dans notre survie, dans notre adaptation, c'est l'adaptabilité, la capacité de s'adapter rapidement au changement du climat, au changement des habitats, la créativité, la capacité de jouer. Tout ça, c'est extrêmement important. Mm-hmm. C'est des caractères de jeunes. C'est les jeunes qui jouent, c'est les jeunes qui sont créateurs, c'est les jeunes qui s'amusent. Si on conserve ça pendant toute notre vie, on a une beaucoup plus grande capacité à s'adapter rapidement, à inventer des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons d'interagir entre nous. Donc, on pense que c'est ça la pression de sélection majeure qui a fait en sorte que, chez l'humain, on demeure jeune toute notre vie. Mm-hmm. Donc, on conserve cette envie de jouer, donc cette curiosité, comme quand on est jeune et qu'on pose toujours les question pourquoi. Donc, on conserve cette espèce de curiosité plus tard, puis donc cette créativité aussi qu'on aurait quand on est jeune, et c'est ça qui nous permettrait finalement de nous adapter aux conditions changeantes. Et d'inventer des choses comme l'art, comme la gastronomie, comme la musique, et la recherche scientifique fondamentale, comme les ondes gravitationnelles. Mmh. Il faut des gens adultes qui ont l'expertise pour le faire et qui ont la curiosité enfantine de poser la question avec persistance pour arriver finalement à le trouver. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'humain. Un chercheur qui est passionné pendant toute sa vie par son domaine de recherche, il est rendu à 92 ans ou à 85 ans, il est toujours excité comme un jeune enfant devant la recherche. Mais ça, c'est un caractère néoténique. Ouais. On ne devrait pas trouver ça chez un vieillard. Je ne pensais pas que la discussion sur la néoténique allait nous emmener là. C'est vraiment fascinant. Puis ensuite, je me réfère encore à ce qui se passe avec le chien. Donc, on dit que les chiens sont juvéniles, que finalement, la domestication du chien a fait de lui un loup juvénile. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la société aussi un phénomène qui induit aussi l'humain à rester plus jeune aussi dans ses comportements de reproduction aussi. Parce qu'on voit, bon, le chien, il reste finalement, il est dépendant de son maître. Et les humains, ils restent longtemps. Finalement, il tarde à devenir autonome. Il reste jeune longtemps. Là, on est mature, on est adulte, on est enfant. Finalement, de plus en plus longtemps. Voilà, ça fait partie du phénomène. La société encourage ce phénomène. Personne veut vieillir. Personne veut avoir l'air vieux. Ça fait partie du phénomène néoténique. Donc, en termes de société, ben, ça explique en partie. Il n'y a jamais une raison qui explique tout le phénomène, mais ça explique en partie pourquoi, par exemple, on se reproduit de plus en plus tard. C'est ça, malgré le fait que physiquement, physiologiquement, la puberté arrive de plus en plus tôt pour d'autres raisons. C'est paradoxal. Il y a comme un contraste. C'est le contraste entre la culture et la nature. Ouais. Ça montre que malgré la nature qui nous encouragerait à se reproduire de plus en plus tôt, puisqu'on est capable de le faire parce qu'on est bien, on est dans des conditions de nutrition en bas âge qui sont très favorables, donc on est mature sexuellement plus tôt. Malgré ça, la société et la culture encouragent à la limite de pas se reproduire du tout. C'est ça. Et de se reproduire le plus tard possible, de se reproduire le moins possible. On devient adulte de plus en plus tard, on reste chez nos parents de plus en plus tard, on devient autonome de plus en plus tard. On veut pas devenir adulte, on veut continuer de s'amuser toute notre vie, demeurer adolescent toute notre vie. Voilà. Ça fait partie du phénomène néoténique. Ouais, on veut rester adolescent puis on veut avoir l'air jeune toute notre vie. Voilà. Et ça explique en partie le succès de notre espèce aussi, le fait qu'on demeure actif, créatif, joueur toute notre vie, de bonne humeur toute notre vie. Il y a des gens qui ne deviennent jamais sérieux. Ah, c'est vrai. Toute leur vie. Ça, c'est un caractère néoténique. Puis donc, ça déteint aussi toute la chirurgie esthétique à vouloir... C'est pour ça que vous parliez de... je ne sais plus quel exemple vous donniez. En tout cas, on connaît plein d'exemples. Il y en a plein dans notre entourage. Et même soi-même, on fait tout pour... on fait rien pour avoir l'air plus vieux. C'est ça, exactement. Sauf quand on est jeune. Oui. Et quand on est tout jeune, et ça c'est l'inverse, ça c'est de la pédomorphie. C'est le jeune qui veut se faire passer pour un plus vieux. Oui, c'est vrai. Donc il veut s'habiller comme un vieux, il veut se promener avec une carte qui dit qu'il a 18 ans alors qu'il en a 14. Alors que la néoténie, c'est le contraire. Aussitôt qu'on a dépassé 20 ans, il n'y a plus personne qui veut avoir l'air plus vieux. Au contraire, on veut avoir l'air jeune. On veut se comporter en jeune. Oui, donc on devient un petit peu schizophrénique alors quelque part. Oui, ça se passe pas au même âge, ça se passe pas au même âge. Il y a une métamorphose aussi, on veut. Comme la chenille qui devient un papillon. J'aurais vraiment pas pensé que cette discussion sur la néoténie allait nous emmener sur le terrain de la créativité et de la recherche de comment l'éternelle jeunesse. Tous les sujets de l'évolution sont passionnants. Oui, absolument. Et puis finalement, c'est comme si on était des bébés singes parvenus à maturité sexuelle aussi. Absolument. Absolument. Voilà, c'est une belle description de l'humain. C'était passionnant, Cyril. Donc, une surprenante discussion. Donc, nous étions en compagnie de Cyril Barrette, qui est professeur au département de biologie à l'Université Laval. Et on va se retrouver au mois de mars, au début du mois de mars, très probablement. Oui, absolument. J'ai hâte. Pour une autre discussion passionnante. Alors, merci beaucoup, Cyril. Et pour l'heure, c'est l'heure de la publicité sur CKRL au 89.1. Et au retour, nous serons avec Mélanie Jean, qui nous parlera des bélugas du Saint-Laurent.